suis donc. Eh mec, eh. Ouais. Tu mets quoi là? Des CD dans tous les sens. Je sais pas, vas-y. Tac, arrange deux dev, t'inquiète, tu auras pas l'ancienne. Je sais pas, mais de l'amateur, mais de l'amateur. C'est quoi cette pompine? Y'a rien marqué dessus. Je sais pas, je pense que c'est de l'amateur en plus, c'est bon ça. Vas-y, teste. Vas-y, teste. Vas-y, je me sens le. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, de façon grand. On va voir. Excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais ?